pas beaucoup vieilli. Un ami m'a donné rendez-vous. Des amis, je n'en ai plus beaucoup. Mon ami me sautera au cou. Et c'est la vie qui nous fait un peu de peine. On se dit quelquefois c'est plus la peine. Le réconfort, c'est le feu. Boo.